Chapitre 3e. Cherchons à nous expliquer d'où provient cet antagonisme entre les croyances des hommes, l'abîme qui sépare les convictions d'un Littré ou d'un Haeckel de celles d'un Bachereau, les affirmations d'un Karl Vogt de celles d'un Ernest Naville. Écartons d'abord comme injustifiable le reproche de mauvaise foi adressé quelquefois aux matérialistes, d'hypocrisie aux spiritualistes. Ce n'est pas qu'on ne puisse rencontrer des gens peu scrupuleux dans l'un et l'autre camp. Parmi ceux qui se vantent le plus haut de ne croire que ce qu'ils voient, il en est sans doute qui se vantent à tort, fanfarons de l'indépendance ou cœurs corrompus, qui seraient bien aises de se persuader que le juge suprême n'existe pas. Mais il y a aussi des hommes sincères parmi les matérialistes, je croirais leur faire injure en défendant la cause de leur loyauté. Quant à l'opinion trop répandue que les personnes qui croient au monde invisible sont des hypocrites, elle est bien irréfléchie. Il y a partout des hypocrites. Mais quand des hommes sont prêts à faire pour leur croyance le sacrifice de leur repos, même de leur vie, les accuser d'être des hypocrites, ce ne serait pas seulement les calomnier, ce serait faire soi-même preuve d'ineptie. Cherchons ailleurs l'explication de cette divergence fondamentale. Serait-ce affaire de volonté? On pourrait le penser. Quand on entend les uns accuser leurs adversaires de croire ce qu'ils veulent, les autres de ne vouloir pas croire. Mais il y a là un malentendu. Ne crois pas qui veut. Toute conviction digne de ce nom est indépendante de la volonté. On croit parce qu'on a des motifs de croire. On croit parce qu'on comprend ou parce qu'on voit. Si je vous demandais de croire au monde invisible sur l'autorité d'autrui, vous auriez raison de me récuser. La conviction ne saurait se fonder que sur une évidence, de quelque nature qu'elle soit. Qui dit foi ne dit pas crédulité. Quand les théologiens nous disent qu'il faut croire sans comprendre, ils ont tort ou raison selon l'exception qu'ils donnent au mot comprendre. Ils ont raison s'ils nous demandent de croire au monde invisible sans preuve rationnelle. Puisque nous l'avons vu, la raison n'a rien à voir ici. Ils auraient tort s'ils prétendaient nous obliger à croire sans évidence d'aucune sorte. Dans ce sens, croire sans comprendre serait un métier de dupe. C'est ici qu'il importe de placer une distinction légitime. Le cœur a des raisons de croire que la raison ne comprend pas. Entendons-nous. Nous ne parlons pas du cœur, organe des affections, quoi de plus décevant que le sentiment, mais du cœur, centre de la personnalité humaine, du cœur, foyer de la vie, de cet être invisible, insaisissable, qui s'affirme au fond de l'organisme humain et qui dit « moi ». Son vrai nom, c'est l'esprit, le myalo des Grecs. Ma raison, ce n'est pas moi, c'est un de mes organes, celui que j'ai chargé de s'acquitter de mes fonctions intellectuelles. Quand j'ai obligé ma raison à constater les limites de sa compétence, j'ai le droit de la prier de se tenir dans ses limites, et elle m'obéit parce qu'elle sait que je ne lui demande rien qui ne soit raisonnable. Nous avons constaté qu'il y a un domaine interdit à la raison, celui du pourquoi, celui des origines et de la finalité. D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que le monde? Chacune de ces questions est une barrière que ma raison ne saurait franchir. Mais par-delà ces barrières, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Sans cela, ces questions n'auraient pas leur raison d'être. Et nous savons qu'elles sont impérieuses, qu'elles exigent une réponse et qu'elles la veulent catégorique. Or, ce quelque chose, c'est le domaine de l'esprit. Il y entre quand il s'est placé dans les conditions voulues. Il se promène librement dans ce monde invisible d'où toutes les choses émergent et où elles rentrent. Monde de l'esprit, mon esprit est chez soi. Il y perçoit les choses invisibles immédiatement, au moyen d'une faculté spéciale d'intuition, grâce à laquelle, pour voir l'invisible, il se passe de la raison, comme il se passe de l'imagination et du sentiment. La conviction se forme en lui sans qu'il ait besoin de preuves rationnelles, car ces choses invisibles, il les voit. Ainsi la foi, la vraie, est une imperception immédiate, une vue de ces objets d'ordre spirituel que l'œil n'a jamais vu et que l'oreille n'entendra jamais. Il en est de cette faculté d'intuition comme de la faculté visuelle qui a l'œil pour organe. C'est un sens moral, destiné à percevoir immédiatement, sans preuve rationnelle, les choses de l'esprit. Tout comme le sens physique de la vue nous permet de percevoir immédiatement, sans preuve rationnelle, les choses de la matière. J'ouvre les yeux à la lumière, j'aperçois des objets matériels. Est-il besoin qu'on me démontre l'existence de ces objets? Ma raison a-t-elle dû entrer en exercice pour que je les voie? Nullement. Sa fonction sera de les apprécier. Je les ai vus sans son concours. De même, l'œil de mon esprit, ouvert sur ce monde invisible, où depuis 30 siècles la métaphysique tente en vain de pénétrer, il discerne nettement les choses invisibles. Qu'ai-je besoin de preuves quand j'ai l'évidence de mes sens? et que peuvent, contre ma conviction, je vous le demande, les raisonnements des incrédules. Puisque cette conviction formée en dehors et au-dessus de tout exercice de la raison s'appuie sur la vue même des objets dont on voudrait me contester l'existence, tous leurs arguments, de quelque nature qu'ils soient, viennent se briser contre cette simple affirmation « Je crois parce que je vois ». Et c'est pourquoi l'homme qui croit au monde invisible, quand ses adversaires à bout d'arguments en viennent à le frapper, se laisserait plutôt frapper à mort que de renoncer à ses convictions. Ce n'est pas parce qu'elles lui sont chères, mais parce que pour y renoncer, il faudrait qu'il s'arrachât les yeux de l'esprit. La notion de Dieu, disait un jour le grand physicien Faraday, arrive à mon esprit par des voies aussi sûres que celles qui nous conduisent à des vérités de l'ordre physique. Des considérations qui précèdent, on a, nous semble-t-il, le droit de conclure que s'il est des gens assez malheureux pour ne pas voir les choses de l'esprit, c'est qu'ils sont privés de l'usage d'un sens, soit que ce sens leur manque, soit que les circonstances en aient contrarié le développement. L'apôtre saint Paul était déjà arrivé aux mêmes conclusions. Il écrivait aux Corinthiens « Nous parlons des choses spirituelles, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, voilà la métaphysique mise de côté, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme psychique ne comprend pas ces choses, elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce qu'on les discerne par l'esprit. »